Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où je suis ravie de vous retrouver, chers auditeurs, et encore plus ravie aujourd'hui, car je suis en compagnie d'un écrivain de notre région et d'un écrivain qui a écrit un excellent polar. Il s'agit de Léandre Modillo. Bonjour Léandre. Bonjour Sarah, bonjour chers amis auditeurs. Merci d'avoir accepté cette invitation pour que l'on puisse parler aujourd'hui donc de ce polar, l'assassin de notre voisin. Moi qui te remercie. Merci, voilà. édité aux éditions d'Ulysse Bleu et donc sorti le 31 janvier 2025. Alors Léandre, comme tous les auteurs qui sont passés dans cette émission, tu vas avoir à peu près 5 questions. D'accord, un véritable interrogatoire où on va parler évidemment de ce roman, l'assassin de notre voisin, mais on va aussi un petit peu parler de toi parce que j'aime bien savoir qui se cache derrière l'écrivain. Alors on commence tout de suite, Léandre. Tu es à la fois sportif, enseignant de mathématiques, si je me trompe pas. Oui. Oui, super. Musicien. Comment t'es venue la passion de l'écriture? Tu es quelqu'un d'hyper occupé et pourtant. Tu aimes écrire encore, c'est encore une autre corde à ton arc. Comment c'est venu, Léandre? Alors, comme je dis toujours, en fait, le temps, on se le donne. Oui. Quand on a envie de faire quelque chose, on peut toujours s'organiser pour qu'on puisse le faire. Oui. Bien sûr qu'il y a le sport, la musique et autre chose, il y a aussi la vie familiale. Oui, aussi. Très oui. Importante. Mais je me réserve toujours, j'arrive à me réserver quelques minutes, enfin quelques heures souvent, oui. Pour pouvoir travailler et... Et puis souvent, c'est un peu c'est le soir, parce que j'ai quand même l'impression que le soir, je suis plus inspiré. Et plus apaisé peut-être oui. Après la frénésie de toute la journée. Mm-hmm. D'accord. Donc l'écriture te vient donc plutôt le soir. Et comment t'es venue cette envie d'écrire? Alors, donc en fait, c'est par le plus grand des hasards. Oui. Ça, je suis franc, je vous le dis. Oui. En fait, il y a quelques années, j'avais eu en tête une histoire. D'accord. C'est mon premier roman, en fait. Donc, j'ai eu cette histoire-là, et puis j'en ai parlé à ma fille. Il oui. dit, voilà, j'ai dans ma tête une histoire, je lui ai raconté. Et cette histoire, elle ne te lâchait pas? Non, mais elle ne lâchait pas du tout. Et puis ma fille m'a dit, oh, papa, c'est une très belle histoire. Et puis ça s'est arrêté là. D'accord. Un mois, deux mois, trois mois ont passé, et un jour, elle vient me voir, mais papa, ton histoire, elle est très belle. Et si tu écrivais un livre? Et elle était toujours là, l'histoire, tu l'avais toujours dans un coin de ta tête. Oui, je l'avais toujours dans un coin de la tête. Et c'est là où j'ai décidé donc, de l'écrire. Génial. Voilà. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Oui. Parce que le premier jour où j'ai ouvert mon ordinateur, ouais. Je commence par quoi? Ah, il y avait trop de choses. Ah, oui, c'est ça. Il fallait tout décanter, tout. C'était hyper difficile. En fait, ce roman, j'ai mis entre le moment où j'ai eu l'idée. Oui. Et le moment où il est sorti, oui. J'ai mis 12 ans. 12 ans? 12 ans d'écriture. Bon, je n'écrivais pas non plus tous les jours. Oui, hein, oui mais voilà. Mais t'as fallu 12 ans pour mûrir le projet. Mûrir. Et puis comme c'était un roman historique, oui. Il a fallu faire beaucoup de recherches. Et, okay. C'est ça, oui. Et donc du coup, donc, roman historique pour ton premier roman. Pour le premier roman. Là, celui-là, tu changes complètement de registre. Oui. Polar, on va dire polar policier. Oui, c'est ça. Et comment tu switches? Des deux, pareil, est-ce que c'est une histoire que tu avais dans un coin de la tête et tu t'es dit cette fois-ci je vais pas me faire avoir, j'y vais tout de suite? Ou est-ce que c'était un truc, tu t'es dit bah tiens je vais changer un peu, je vais voir ce que ça donne? Non, c'est pas tellement comme ça, en fait voilà, donc je suis français originaire du Congo, oui. Du Congo-Brazzaville, oui. Et puis donc le premier roman c'était sur l'histoire du Congo, oui. Enfin du royaume du Congo. Ok. Et puis je me suis dit, mais je vais annoncer, je suis un enseignant. Et si j'écrivais quelque chose pour ma ville? En fait, c'est parti comme ça. D'accord. Et après, j'ai eu cette idée-là. Tu prends les mêmes racines, c'est-à-dire ouais. Que tu as envie de alors, rendre hommage ou faire hommage à l'endroit. Ouais. Alors, là, par exemple, tu es originaire du Congo, tu as écrit ton premier roman sur le Congo. Et là, hop, tu nous fais un super policier, parce que franchement, pour un premier, il est très bien. Merci. Et tu écris ça, ça te vient comme ça. Voilà, et puis donc je l'ai écrit. Comme je dis toujours à mes lecteurs, je vous fais visiter Nancy. Effectivement, je parle oui. De beaucoup de choses là-dedans. On visite. Oui, voilà, de Nancy, je parle de la pépinière. Oui. Je parle de Jojo. Oui, tu parles de Jojo oui. Aussi. je parle du boulevard Lobo, oui. Beaucoup de choses, voilà. Donc en fait, quelqu'un qui ne connaît pas Nancy, il visite. fait visiter avec ton livre. Voilà, et puis effectivement, il y a, c'est-à-dire que bon, ceux qui connaissent Nancy m'ont bien dit, Léandre, là, tu nous as fait visiter notre ville. Ah, génial. Oui. C'est un beau compliment. Et puis j'ai un ami, alors lui, il a été un peu loin, et parce qu'à un moment, je parle d'un certain déplacement dans la ville. Oui. Et je lui donne le temps qu'il faut. Oui. Il m'a dit, mais un jour, j'ai chronométré. Effectivement, ça fait bien 15 minutes. C'était le bon timing. Oui, tu avais voilà. été jusque-là. Alors justement, on parle donc du genre de ce deuxième roman, qui est un roman policier, donc qui nous emmène dans une histoire, somme toute, qui semble banale dès les premières pages, sans dévoiler tout le roman. C'est un couple de personnes âgées qui vit dans une maison. Ils ont pour voisin d'en face un homme qui a une quarantaine d'années, qui travaille, qui est toujours hyper serviable avec eux, très gentil. Et là, ça fait quand même quelques jours qu'ils ne l'ont pas vu. Et donc, ils s'interrogent. Mais non, il serait parti en vacances et il nous l'aurait dit. Il nous dit tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévient les autorités? C'est quoi ta source d'inspiration autour des personnages? C'est quoi? Est-ce que c'est des personnes que tu croises dans tes activités? Est-ce que c'est un hommage peut-être à des personnes de ta famille? Parce que ce couple de personnes âgées, là, bon, ça pourrait être n'importe quel couple de personnes âgées. Mais ils sont quand même des personnages centraux du livre. C'est quoi ta source d'inspiration dans tes personnages? Alors, en ce qui concerne donc les personnes âgées, oui. Je ne peux pas dire que j'ai une inspiration précise. Voilà, c'est okay. Un couple de personnes âgées, c'est un couple normal. On pourrait croiser quand on fait commissions. Exactement. Ouais. Mais par contre, il y a certains personnages oui. qui viennent, ceux qui vont venir après. Oui. Effectivement, je me suis inspiré de certaines personnes que je connais. D'accord, on ne citera pas les noms. On peut citer. Si vous voulez, on peut citer. Alors, donc je dirais déjà l'inspectrice, qui s'appelle Hortense Lemay. Oui. Alors là, je rends hommage à ma grand-mère maternelle, non, paternelle plutôt. D'accord. Que je n'ai jamais connue. Donc, parce qu'elle est décédée un an avant ma naissance. D'accord. Elle s'appelait Hortense Malembe. Très bien. Donc, c'est chouette. Ah, c'est chouette, c'est bien. Puis il y a aussi, du coup, si je comprends bien, il y a des petits bouts de toi dans ce, ah oui, dans ce livre. On voit un peu, bon, elle fait de l'aïkido. Oui, bah oui, ça on avait bien compris. Moi, je ne dévoile pas ou j'évite au maximum parce que j'ai tellement peur d'en dire trop. Parce que le but aussi, c'est que tu sois lu après l'émission et que les gens découvrent aussi tout ce que tu es capable de faire. On découvre alors... L'encensoir à Tomblaine, mais je ne dis pas pourquoi, l'île de l'encensoir. Et puis, on découvre aussi des gens un petit peu haut en couleur, avec un trait peut-être plus marqué sur des collègues de travail. On en parlait un petit peu hors antenne. Quelquefois, on croise des gens, malheureusement, qui ne correspondent pas à nos attentes. Et il y en a pour certains où le trait est vraiment très marqué. Et est-ce que c'est des gens qu'on peut inventer ou est-ce que c'est des gens qui gravitent autour de toi, Léandre, et où tu as un petit peu forcé le trait? Bon, j'ai un peu forcé le trait. Bon, tous, dans le milieu professionnel ou ailleurs, on a toujours des personnes oui. qui sont un petit peu difficiles à vivre, oui. qui sont un peu compliquées, parfois d'autres aussi, qui cachent leur jeu. Aussi. Oui, voilà. Beaucoup. Oui, voilà. Donc, en fait, dans cette entreprise-là, on retrouve vraiment tout ce que l'on peut voir dans une entreprise. Ouais. Oui, voilà. Il y a des collègues qui s'entendent très bien depuis leur... Depuis leur début, oui, ouais, voilà, bien sûr. Depuis leurs années d'études. Voilà, quoi. Donc, c'est une entreprise normale. Ouais. Oui. Avec ses problèmes internes. Oui. Et puis, avec aussi ses collaborations. Ouais. Parce que ce sont des gens qui travaillent très bien et qui collaborent beaucoup. Oui. C'est bien présenté, ça me plaît bien. On va faire une première coupure musicale avec un titre de ton choix, Léandre. Est-ce que tu peux nous rappeler lequel c'est? La musique. Oui, alors, donc j'ai prévu deux chansons. Ok, alors là, on va... La première. La première, c'est État-major. Ok. Alors, État-major, c'est un morceau d'un orchestre congolais. Ok. Et qui s'appelle Extra Musica. Ok. Donc, en fait, là, bon, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre deux chansons. Une chanson de mes origines. OK. Et puis une autre chanson du jazz, parce que je fais du jazz. Voilà. D'accord. État-major, j'avais compris aussi. État-major, c'est un groupe congolais. D'accord. Et qui est très célèbre en Afrique. Voilà. Très bien. Donc, on va découvrir ça. C'est toujours très intéressant de découvrir des musiques aussi venues d'ailleurs. Et on se retrouve juste après pour la suite de ce caprice de lecture et avec l'assassin de notre voisin. À tout de suite. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture avec l'assassin de notre voisin, de Léandre Modillo. Léandre, est-ce que tout va bien ? Ça va très bien, merci. Donc tu restes avec nous ? Oui. Ah bah super. Alors justement, Léandre, en parlant de l'assassin de notre voisin, c'est monsieur et madame Monal, dans le roman policier que tu as écrit, qui alerte sur l'absence de ce voisin, monsieur et madame Monal, pardon, étant un couple entre 75 et 80 ans, couple de personnes âgées. Très caricaturé, moi je pense que n'importe lequel d'entre nous peut retrouver ses grands-parents à cet âge-là. Et pourtant, alors, ils peuvent être à la fois n'importe quel couple de personnes âgées, c'est la question que je voulais te poser, mais ils sont en même temps des personnages centraux de l'intrigue. Tout démarre deux. Comment tu arrives à réussir ce twist-là ? C'est-à-dire, Ils peuvent être monsieur et madame tout le monde, entre 75 et 80 ans, et pourtant tu en fais des personnages centraux. Oui, effectivement, il y a des gens qui trouvent un peu j'allais dire, je dirais pas bizarre, mais qui n'avaient pas compris comment se fait-il que... Parce que généralement, dans les romans, on commence tout de suite par le héros. Ah oui. Le gonf, c'est lui qui prend vraiment la place principale. Qui autour, ça gravite un peu. Oui, voilà. Alors que moi, j'ai fait vraiment le... Enfin, tout l'inverse. Tout l'inverse. Ouais. Donc, je parle d'un couple de personnes âgées. Oui. Bon, comme tu dis, un peu caricaturé, mais effectivement, ce sont nos grands-parents. Voilà. Se chamaillent pour tout et rien. Ils se chamaillent pour tout. Heureusement qu'il y a le petit chien qui est là pour les calmer de temps en temps. Oui. Et puis qu'il y a peut-être 40 ans, voire 50 ans de vie commune où ils se connaissent par cœur. Et puis, comme je l'ai dit, ils se connaissent depuis leur jeune âge. Ils sont nés dans le même village, oui. Ils sont voisins, donc ils se connaissent depuis belle lurette. C'est très drôle. Mais ils n'arrêtent pas à se chamailler tout le temps. Alors donc, je suis parti de là. Et puis après, donc, j'ai... En fait, au départ, je voulais qu'on découvre le corps donc, de la personne dont on parle. Et bon, j'ai pas voulu directement aller sur... Sur une enquête ou sur une piste tout de suite. Sur une piste tout de suite, ou plutôt même sur une découverte tout de suite d'un corps. Donc je voulais en fait envelopper ça, mettre quelque chose en amont. Ok. Hein. Donc c'est ce couple-là. Tu nous emmènes un peu comme dans un labyrinthe. Oui, voilà. Eux, on entre par eux. Après, découverte du corps, première étape. Oui. Après, hop, il y a d'autres personnes qui gravitent autour. Et on n'est pas encore à la sortie du labyrinthe. Et puis ce monsieur-là, monsieur Monal, bon, je lui ai donné tous les défauts du monde. Il regarde la télé trop fort. Oui, il regarde des VHS toute la journée, il ne fait pas le ménage. Et puis il est misogyne. Très. Oui, voilà. Bah. Bon, je pense que sa femme, elle a aussi besoin d'avoir un peu de caractère en face, là, pour... voilà. Mais c'est extrêmement drôle. Et à la fois, c'est vrai qu'en début de roman, ça peut surprendre que ça démarre comme ça. Et c'est chouette que tu aies pu prendre... Alors, je rappelle, c'est le premier roman policier que tu écris. Oui. C'est franchement bien, bien mené. Merci. Parce que, effectivement, tu as complètement déconstruit le schéma du roman policier. Mmh. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, parce que tu as fait donc, le livre sur la place, entre autres, ce sera l'objet de la prochaine question, mais est-ce que les lecteurs qui t'avaient lu avant de te rencontrer ont eu cette remarque-là? Qu'est-ce qu'ils en disent, tiens, les gens qui viennent te voir un peu en salon ou en dédicace, qu'est-ce qu'ils en pensent de ton livre? Alors, ce qui était très positif, parce que ça, c'était mon deuxième salon. Oui. Parce que donc, le premier, c'était en 2022. OK. Lors de la sortie de mon premier livre. Ouais. Donc, on ne me connaissait pas, les gens sont passés. Je leur ai parlé de l'histoire du premier roman, ça les intéressait, ils ont acheté. Ouais. Et il y en a qui sont revenus parce que le premier roman ne leur avait plu. Et qui sont venus acheter le deuxième roman. Génial. Oui, en me complimentant. Sur le premier roman. À savoir que ton premier roman n'a absolument rien à voir avec celui-là. Absolument pas. C'est un roman historique. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, il y a quand même une plume derrière. Il y a une vraie plume. Ça, c'est chouette. Et tu n'en as pas rencontré qui avait déjà lu ce livre-là avant de venir te voir, par exemple? Non. Non. Alors, ça, c'est uniquement dans mon cercle familial et amical. Oui, alors, tiens, c'est quoi dans le cercle amical? Qu'est-ce qu'on dit de l'assassin de notre voisin dans le cercle amical? Ça m'intéresse. Il y en a un qui m'a dit, Léandre, je crois que tu aurais dû faire des études littéraires. On rappelle que tu es enseignant en mathématiques. Comment est-ce que quelqu'un qui a fait des maths, la physique toute sa vie, peut écrire un tel roman? Donc, c'est un super compliment. Oui, c'est ça. Oui. Ah, c'est chouette. Alors, justement, tu parles d'écrire. C'est l'objet de la quatrième question. C'est quoi la journée type de l'écrivain Léandre Modillo? Parce qu'on sait qu'il y a Léandre musicien, Léandre sportif, Léandre enseignant, ça, c'est ton métier. Léandre écrivain, comment commence sa journée quand il a décidé d'écrire? Eh bien, la journée de Léandre, l'écrivain, n'est pas différente de la journée de Léandre, le sportif. Okay. Donc, généralement, ça se passe le soir. D'accord. Donc, mes activités sportives, c'est généralement le soir, et même la musique aussi. D'accord. Alors, donc, c'est beaucoup plus le soir que j'ai le temps. Ouais. Et puis que j'ai vraiment le temps de me consacrer au roman. Et même en semaine, il arrive des fois où je prends mon ordinateur pour travailler, j'avance un tout petit peu, ouais. Mais régulièrement, c'est vraiment le soir que je suis inspiré. Et tu arrives à te vider la tête de tout ce qui s'est passé dans la journée? Oui, c'est ça. Oui. Moi, je suis admirative parce que toute la journée, on est quand même dans une société où, quelle que soit notre profession, on est ultra sollicité, des fois trop. On est hyper connecté aussi, beaucoup, par la force des choses. Et toi, tu arrives à couper complètement pour te consacrer à... J'allais dire un travail d'écriture, mais qui est aussi un loisir. Voilà. Effectivement. Généralement, le soir, ce que je fais, c'est que je me mets dans mon canapé. Ouais. J'allume la télé, mais je coupe le son. Ok. Ouais, donc, je vois les images. Ça te vide la tête. Oui. Mais sauf qu'en fait, je vois les images. Ok. Il y a un moment où, un jour, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'allume la télé sans son? Et si je l'éteignais? Ah oui? Puis je l'ai éteinte. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Quoi. Donc j'étais obligé de l'allumer. Donc c'est ton petit rituel, dire. Ça, ouais. Tu allumes la télé, tu coupes le son. Oui. Et après, tu peux te mettre à écrire. Voilà, et puis après, je m'écris. C'est une habitude hors du commun. Oui. C'est très original. Et tu écris tous les soirs? Quand j'ai le temps, bien sûr. Oui, donc tu ne te fixes pas, par exemple, trois fois par semaine ou ne sais quoi? Non, ce n'est pas comme ça. Non, c'est-à-dire que généralement, bon, le lundi, j'ai musique. Ouais. Le jeudi, j'ai aïkido, parce que je ouais. fais de l'aïkido. Bon, donc généralement, c'est le mardi, mercredi. Ok. Voilà, et le week-end, tu es off, tu ne fais pas? Mais toujours le soir. Ok. Même le week-end, c'est même le soir. Même le week-end, le soir. C'est rentré un peu dans tes habitudes. Oui, c'est ça, oui. Ok, c'est très intéressant à savoir. Eh bien, donc si vous souhaitez vous vider la tête, vous allumez la télé et vous coupez le son. Apparemment, ça marche très bien, puisque Léandre en est à son deuxième roman, donc c'est que ça doit marcher bien. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale, toujours de ton choix. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre, Léandre, de cet extrait que tu souhaites nous partager? Alors, c'est un morceau de jazz. Le titre, c'est « The Song of My Father ». Ok. Et bon, donc, je rappelle que je suis musicien, je fais la guitare jazz. Ouais. Et je suis à l'école de musique de Vendeuvre, okay. dans l'atelier jazz. Et donc, ça, bon, je joue beaucoup de morceaux, et ça, c'est un des morceaux qui m'a vraiment marqué. D'accord. Oui, voilà. C'est lié à un souvenir particulier, ou c'est juste parce que tu l'aimes bien? C'est parce que je l'aime bien, le rythme... Ça te convient bien? Voilà, effectivement. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, merci de nous faire partager ce morceau, et on revient juste après pour terminer l'émission avec ton actualité. À tout de suite. We'll be right back. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission de ce caprice de lecture, en présence de l'assassin de notre voisin, écrit par Léandre Modillo, et non pas Léandre qui est l'assassin de notre voisin, c'est un peu, voilà. Léandre, pour clôturer ce beau caprice de lecture, aurais-tu des actualités à nous transmettre? Alors, est-ce que tu vas faire des salons d'ici à la fin de l'année? Est-ce que tu as déjà un autre projet d'écriture en cours? Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût? Alors, donc, je vais commencer par le projet d'écriture. D'accord. Là, je viens de terminer mon troisième roman. D'accord. Donc là, il est à la correction. Actuellement, donc, j'ai fini l'écriture, donc, parce que la partie, ce que moi j'appelle la partie écriture linéaire. D'accord. Donc, j'écris jusqu'au bout, et donc je suis en train de les relire avant de le donner à mes relecteurs. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir sur quel genre on sera? Tu as écrit de l'historique, tu as écrit du policier. Et alors ça, c'est un roman historique. Historique, tu reviens à l'historique. Oui, alors, pour l'instant, j'hésite un tout petit peu. Non, plutôt, j'avais hésité, maintenant j'ai décidé. Ouais. que je vais, si possible, alterner. D'accord, c'est deux genres dans lesquels tu te sens bien. Oui, voilà. Ça te va bien. Donc, parce que j'ai fait le premier historique, ça a relativement bien marché. Ouais. Le deuxième policier, et pourquoi pas les deux. Donc là, je suis reparti à l'historique. D'accord. Et peut-être après, le policier, et si c'est possible, parce qu'il faut que je sois inspiré aussi. Hein. Oui. Parce que l'inspiration, ça ne se commande pas. Non, exactement. Donc, éventuellement, faire une alternance. Très bien, très original aussi. D'accord. Concernant des salons d'ici à la fin de l'année ou début 2026, est-ce que tu es convié sur des salons ou des rencontres dédicaces ou... Non, pour les salons, non. Actuellement, il n'y a pas de salon en vue. D'accord. J'espère qu'il y aura des demandes, il y aura des possibilités. Oui. Alors, il y a des projets de dédicaces. Donc, okay. J'ai contacté des librairies, des oui. magasins. Oui. Pour l'instant, ce n'est pas encore ficelé. D'accord, mais c'est en cours. Oui, voilà, c'est en cours, donc il y a des dates à déterminer. D'accord. Et si on veut retrouver justement toute cette actualité, ça se passe comment? Facebook, Instagram, on te retrouve sur quoi? Ou si certains auditeurs peut-être veulent te poser des questions? Alors, donc je suis sur Facebook. D'accord, Léandre Modillo. Oui, Léandre Modillo, auteur. D'accord, auteur. Parce qu'en fait, j'ai deux pages, j'ai une okay. page privée, okay. une page auteur, donc j'ai Bien. Pas envie de tout mélanger. Ouais. Donc Léandre Modillo, auteur. Oui. Et puis, je suis sur Instagram aussi. OK. Et voilà, je crois que... Ouais. Si on te fait un petit message sur Facebook, tu réponds. Ah oui, oui. Oui. Super. Merci beaucoup, Léandre, pour cette très jolie interview. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de ton roman policier, donc L'assassin de notre voisin au Lys Bleu édition. Je vous conseille de le lire. Derrière une super intrigue menée de main de maître et non pas dans les codes du roman policier, vous allez en plus pouvoir bénéficier d'une visite de Nancy avec des calculs des trajets parfaitement exacts. Merci beaucoup Léandre pour ce beau moment. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.